De l'huile dans les rouages sur Fadjet. Et nous nous retrouvons pour une nouvelle chronique de l'huile dans les rouages en compagnie de Noémie. Bonjour Noémie. Bonjour Yves. La précédente chronique, eh bien, tu viens nous a parlé de la météo intérieure. Ouais. Hein, avec quelques astuces. Et aujourd'hui, eh bien, on va s'intéresser à cette météo intérieure chez les enfants. Oui. Pourquoi apprendre régulièrement à mon enfant à mettre des mots sur ce qu'il ressent ? Eh bien, ça va lui éviter un effet cocotte-minute. Si on fait ça régulièrement, ça va éviter les explosions, les tempêtes. En tout cas, il y en aura moins des tempêtes émotionnelles. Je préfère appeler tempêtes émotionnelles que colère, parce que c'est un peu plus compliqué que ça. On va lui apprendre à toutes les accueillir, à n'en étouffer aucune. Et puis, ça va faire redescendre la pression quand vous sentez que ça monte un petit peu, la contrariété, la colère, qu'il est ronchon. Et puis, on va aider surtout son cerveau émotionnel à maturer et à créer des connexions avec son cerveau rationnel. Parce que le cerveau émotionnel, on l'a déjà dit, ça mature jusqu'à 20 ans. Et surtout, les 5 premières années, eh ben, il n'y a pas de possibilité pour l'enfant d'inhiber ce qu'il ressent. Donc, je renvoie à Catherine Guéguen et c'est super capsule YouTube qui vous explique que plus vous accueillez les émotions de vos enfants, plus vous aidez son cerveau émotionnel à maturer. Alors comment on va faire tout ça ? Alors, comment on aide à faire la météo intérieure ? Déjà, pareil que tout à l'heure ou les autres chroniques, l'important c'est de ritualiser les choses pour apprendre à son enfant à créer cet automatisme. Donc choisissez un moment régulier dans la semaine ou dans la journée pour le faire. J'ai été maîtresse d'école, je le faisais tous les matins en démarrage de journée avec mes élèves, par exemple. Et avec des enfants qui ne savent pas lire ? Alors, quand l'enfant ne sait pas lire, parce qu'il y a des supports possibles, hein, on peut parler de météo, quelle est ma météo intérieure, juste au niveau langage. On peut utiliser des petites étiquettes qui représentent le temps qu'ils choisissent. On peut utiliser des émoticônes, donc sous forme de feuilles A4 ou plus grandes, qu'ils choisissent avec les 4 émotions de base, parce qu'eux, ils savent très bien lire le langage corporel, donc ils verront très bien ce que veulent dire les émoticônes. On peut prendre aussi des petites horloges à manipuler, où ils manipulent les aiguilles. Comme ça, ils peuvent montrer avec les émoticônes comment ils se sentent. Ou des petits thermomètres, ça permet de montrer l'intensité aussi de leur émotion. Ils bougent leur émoticône sur leur thermomètre, par exemple. Et puis d'utiliser des images, comme j'ai dit la dernière fois. Tiens, si t'es un animal maintenant, ça serait lequel ? Si tu étais une couleur ou plusieurs, ou si tu étais une chanson, si tu étais une danse. Voilà, il y a plein de façons de tourner. Je vous conseille par contre d'en choisir une et de la tester pendant au moins une semaine ou deux pour voir comment ça prend ou pas et pour voir si vous changez ou pas. Ne changez pas tout le temps, sinon il a besoin de stabilité quand même, l'enfant, à ce niveau-là. Et si les enfants sont un peu plus grands, ils savent lire, il y a d'autres méthodes ? Oui, alors vous pouvez vous appuyer sur des listes ou des cartes qui sont très bien faites. L'apprenti girafe fait des cartes avec des dessins de girafe très sympas, avec le mot écrit en dessous. Les fameuses horloges dont j'ai parlé, il peut y avoir à l'intérieur plein de mots pour dire de plein de façons différentes comment je suis triste, avec plein de niveaux d'intensité différents. Pareil pour la colère, pareil pour la peur, pareil pour la joie. Donc ça, vous pouvez les construire ensemble, les remplir ensemble. Donc je vous invite à aller voir sur Kids et Family, sur le site de l'Université de Paix de Namur, sur celui de Papa Positif, vous avez plein de supports maintenant très faciles d'accès que vous pouvez imprimer. Et la prochaine fois, tu nous parleras de quoi alors ? Alors la prochaine fois, je vous parlerai de l'écoute active. C'est aussi une bonne façon d'aider son interlocuteur, que ce soit un enfant ou non, à apaiser une émotion forte. Voilà. Et bien, rendez-vous la prochaine fois pour comprendre ce qu'est l'écoute active. Avec plaisir. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.